RPL Radio, de 7h à 9h, Fréquence Club, le son qui vous va bien. T'as tout compris ou je te redis? 7h-9h, le son qui vous va bien. Dans ta radio, c'est Kimbo. Les replays sur le www.fréquenceclub.com. ondes d'RPL. Le son qui vous va bien. Thank you. you know, I'm taking it back to the mother load. The mothership. Well, all right. Afros, picks, Afro puffs, you know, rough and stuff. You know, 'cause God made me funky. I believe that. Straight to the bone. Oh yeah, you know. Swinging a beat like this makes me wanna go back, you know, back in the 70s, you know. Something like my man James Brown would say. Hey, hey, hey, hey. Yeah, you know, God made me funky. Get ready. Soul sisters, putting your fists in the air, saying yeah. Something on real old school tip. Oh yeah. You know, all I can say is that before you get loose. We'll be right back. La première heure de Fréquence Club s'achève. Restez calés, on va enchaîner avec une deuxième heure de mix. Bonne écoute. c'est 7h-9h, le son qui vous va bien. RPL, dans toute la métropole lilloise. RPL.